Toujours dans le vrai, dans le vrai. Yeah. J'étais dans le break, dans le break. Ouais. Doubi dans le break, dans le break. Ma bite dans le cake, cake, cake. Si t'es une meuf bien, meuf bien. Ouais, ouais. Meuf bien, je me respecte. Yeah. Si t'es une sale pute, sale pute. Ouais. Sale pute, j'donnerai le gag. J'ride comme un funambule. Wow. Car la vie ne fait qu'à un film. J'ai l'impression que j'suis invincible. J'suis plus que la pression de mes principes. Un peu dans le bien ou dans le mal. J'ai même plus ce qui est normal. Négro, il est branlable. J'm'en branle si je rends l'âme. Donc j'suis toujours dans le vrai, dans le vrai. Posé dans le break, dans le break. Nos bits dans le bec, dans le bec. Ma bite dans le cake, cake, cake. Ma bite dans le game, dans le game. Ouais, les gros flops, la fame. J'déploie mes ailes, j'ai la plus. Un pour la mille, deux pour la thune. Ouais, ouais. Yeah. Bang. Yeah, yeah. Ouais. Un pour la mille, deux pour la thune. Ouais, ouais, yeah. Bang, yeah, yeah, ouais. Toujours dans le vrai, dans le vrai. Toujours dans le vrai, dans le vrai. Posé dans le break, dans le vrai. Doubi dans le break, dans le break. Ma bite dans le cake, cake, cake. Tant que je suis debout, je marche droit. Si je suis maladroit, je suis la proie. Mes frères ont le sang, j'ai le cœur froid. Dans le noir, c'est du noir que l'on broie. J'ai fuck et je me parle d'un trait, yeah. Pourquoi tu me parles d'entrée? La plupart de ces putains sont fake. On dirait le regard d'un trait. J'suis toujours dans le vrai, yeah. J'suis le même de loin que de près. Mon honneur moi après. Ouais. Donc j'suis toujours dans le vrai, dans le vrai. Posé dans le break, dans le break. Ma bite dans le bec, dans le bec. Ma bite dans le cake, cake, cake. Ma bite dans le game, dans le game. Ouais, les gros fuck la fame. J'déploie mes ailes, j'ai la plus. Un pour la mif, deux pour la thune. Ouais, ouais. Yeah. Bang. Yeah, yeah. Ouais. Un pour la mif, deux pour la thune. Ouais, ouais. Yeah.